La justice de Jésus-Christ et le péché de l'humanité ne pourront jamais cohabiter sans problème chez une même personne. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Aujourd'hui, nous concentrerons notre attention sur le commandement de l'apôtre Paul, « Marcher dans la sainteté ». Plusieurs personnes sont intimidées par le sujet de la sainteté, car ce niveau de spiritualité leur semble un idéal impossible à atteindre et même un peu irréaliste. Or, ce sont là des idées fausses. L'émission d'aujourd'hui nous rappelle que si Jésus-Christ vit à l'intérieur de chaque croyant par son Saint-Esprit, nous pouvons vivre une vie sanctifiée. Nous commencerons notre marche de sainteté quand nous comprendrons que nous sommes en Jésus-Christ. Une marche de sainteté ne signifie pas que nous ne pécherons plus jamais, mais simplement que nous ne sommes plus à l'aise avec la présence du péché dans notre vie. Voici Charles Stanley. Nous commencerons ce message en ouvrant notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Nous débuterons notre lecture au verset 16. « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Dieu nous a donc tous réunis, nous, son peuple, et il nous coordonne afin que chacun de nous soit un atout et un encouragement pour les autres. Il poursuit ensuite dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'en vertu de qui nous sommes et à la lumière de ce que Dieu accomplit dans sa relation avec nous, nous devons marcher d'une façon bien précise. Il établit alors un contraste saisissant entre notre ancienne manière de vivre et notre existence présente en Jésus-Christ. Il nous présente d'un côté la manière dont nous marchions et que nous devons maintenant mettre de côté, et de l'autre côté, la manière dont nous devrions marcher maintenant. Grâce à notre nouvelle identité en Jésus-Christ et à notre compréhension de cette identité, nous pouvons maintenant marcher dans une nouvelle vie et nous sommes appelés à marcher dans une nouvelle direction. Nous n'avons pas à nous demander si nous le pouvons, car nous savons et nous reconnaissons que Jésus-Christ est maintenant notre vie. Et parce qu'il est notre vie, il nous rend capables de marcher dans cette nouvelle direction. N'oublions pas que c'est le Seigneur Jésus qui nous a rendus insatisfaits de notre ancienne condition. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit ses interlocuteurs éphésiens au verset 17. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Si vous ne savez pas encore qui vous êtes, vous avez un problème. Or, si vous avez commencé à découvrir votre véritable identité en Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous rappelle dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons donc nous séparer de la pensée du monde païen qui marche selon la vanité. Rien de ces pensées ne doit s'imprégner en nous dans notre nouvelle vie à cause de ce que nous sommes devenus. Ces pensées ne peuvent plus avoir cours dans notre manière de vivre. Or, si elles demeurent, c'est en partie à cause des mauvais enseignements qui sont inculqués aux gens quand ils sont sauvés. On ne les instruit pas correctement. Aussi, vous participerez naturellement et normalement, par défaut, si l'on peut dire, aux choses dans lesquelles vous participiez auparavant, parce qu'on ne vous a proposé aucune alternative. Est-ce votre cas? Pensez-vous qu'on ne vous a pas enseigné correctement la parole de Dieu? Cela veut-il dire que vous devez tout recommencer? Non, je veux simplement dire qu'il existe certaines choses dont vous ne pouvez même pas soupçonner l'influence dans votre vie ou dans celle des autres, jusqu'à ce que vous soyez correctement instruit et que le Saint-Esprit débute son travail dans votre vie. Quand vous avez été sauvé, Dieu ne vous a pas donné une liste de péchés à éviter, n'est-ce pas? Il ne s'y prend pas de cette façon. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit, nous conduit dans notre nouveau train de vie. Et en nous appuyant sur notre identité renouvelée, nous n'avons plus à marcher comme l'incroyant. Car voyez-vous, l'incroyant a la tête remplie de futilité et sa pensée est obscurcie. Il peut avoir accumulé beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses, mais il n'entend rien aux choses spirituelles. Et dans un tel cas, toutes les autres choses de la vie n'ont que peu d'importance. Vous pouvez disposer de toutes les richesses du monde, de la meilleure réputation, ou vous pouvez être couronné de gloire. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, toute l'acceptation et l'admiration du monde. Mais si vous n'avez pas fait la paix dans votre cœur avec vous-même, quelle importance cela pourrait-il avoir? C'est pourquoi une femme dira à son mari « J'aimerais mieux vivre dans un taudis et être en règle avec Dieu, jouir de ton amour et pouvoir t'aimer, que de vivre toute seule dans ce château. » Car les choses de ce monde ne peuvent pas satisfaire l'âme humaine, et Dieu nous enjoint de ne pas marcher avec ceux qui vivent dans l'obscurité. Or, quand les chrétiens participent à certaines activités, ils agissent comme les incroyants. Les gens qui sont aveugles aux réalités spirituelles feront ces choses, mais nous devons être en mesure de savoir que nous ne pouvons pas y participer tout en demeurant dans la vie de Dieu. Avant d'avoir cette relation personnelle avec Dieu, où étiez-vous? La plupart des gens pensent qu'ils vont aller au ciel quand ils vont mourir, parce qu'ils se considèrent comme de bonnes personnes. Ils ont tort. Car si vous n'êtes pas sauvé par la grâce de Dieu, vous êtes perdu. Ou bien vous profitez de la grâce de Dieu, ou bien vous n'êtes pas couvert par elle. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est offerte à tous les hommes. Cependant, ceux qui rejettent cette grâce sont exclus du royaume. Ils en sont exclus à cause de leur ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Toutefois, pourquoi le cœur de l'incroyant s'endurcit-il à ce point? Le cœur d'une personne peut-il s'endurcir seulement parce qu'elle a dit en une occasion « Je ne veux plus rien savoir de Dieu » Non. Il faut pour cela que son refus soit répété. C'est le refus obstiné de répondre à l'appel du Saint-Esprit, de répondre à la puissante conviction de Dieu, de répondre à la voix de Dieu quand il utilise d'autres personnes pour se faire entendre, en un mot. C'est par un rejet continu des tentatives de Dieu pour intervenir dans sa vie et la convaincre de péché qui endurcira progressivement le cœur de cette personne. L'endurcissement du cœur n'est pas le résultat de l'action de Dieu. Il est le résultat de la décision de cette personne. Les croyants, à cause de son ignorance, de sa compréhension obscurcie, de la futilité dans laquelle il marche, aura un cœur si endurci que ce dernier deviendra calleux et insensible. Et puisque ce cœur sera devenu insensible, l'incroyant commettra une action horrible. Il s'abandonnera à une sexualité incontrôlée. Savez-vous comment les gens se placent dans des positions délicates et deviennent ainsi des cibles faciles pour le péché de l'impureté morale? Savez-vous comment ils sont piégés, manipulés et dominés par leur sexualité? simplement en refusant d'écouter Dieu. Ils refusent la conviction du Saint-Esprit. Ils méprisent les avertissements de leurs amis, ou, s'ils n'ont pas de véritables amis, ils méprisent les avertissements des enfants de Dieu. Et bien qu'au début leur cœur ait été doux et souple, il est devenu calleux avec le temps. Nous pouvons observer le résultat d'un tel processus en retournant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le cœur, étant devenu endurci, perd tout sentiment. Le mot grec du texte original, aselgeia, traduit ici par dérèglement, fait référence à une sensualité sans frein et débauchée. Il s'agit d'une impureté qui, jointe à la cupidité, devient une soif que rien ni personne ne peut satisfaire. Le parent conscient de ce danger avertira ses enfants quand ils s'engageront sur une mauvaise pente. Or, s'ils décident quand même de s'abandonner à un péché, il s'agit d'un acte délibéré et volontaire. Ils ne comprennent peut-être pas toute la portée de leurs actes, mais c'est un fait. À ce moment, ils laissent entrer le péché dans leur vie délibérément. Et à un certain moment de leur vie, quand la pression s'accumule, que le mal devient étouffant, quand le désir devient tellement lourd et la tentation si forte, quand tout paraît nul et sans espoir, ces mêmes gens regarderont en arrière et prendront conscience de ce qui leur est arrivé. En considérant l'avenir, ils prendront alors une décision. Ou bien ils se détourneront de ce mal, ou bien ils décideront de s'abandonner encore plus à lui. Toutefois, quand vous vous abandonnez à quelqu'un d'autre qu'à Jésus-Christ, quel est le résultat? J'aimerais vous poser une question. À qui voulez-vous abandonner votre vie à part de Jésus-Christ? C'est une question vitale, car toute chose ou toute personne à quoi ou à qui vous abandonnez votre vie, à l'exception de Jésus-Christ, finira par détruire votre vie. Et même si vous êtes un croyant, vous n'êtes pas pour autant à l'abri d'un endurcissement, car vous pouvez rechuter et retomber dans vos vieilles habitudes. Cela ne veut pas dire que vous perdrez votre salut. Or, votre relation, votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ se refroidira. Et alors, vous serez à nouveau embourbé dans les choses du monde. Vous recommencerez à satisfaire vos besoins avec les choses du monde, ou du moins, vous essaierez de le faire. Dieu recommencera alors à vous convaincre de pécher. Or, si vous vous détournez de lui, si vous refusez de le suivre, Dieu ne vous forcera pas. Il vous poussera légèrement dans la bonne direction. Il piquera votre cœur. Il vous parlera. Mais si vous persistez à faire fi de ses appels, si vous faites la sourde oreille, alors votre péché commencera à endurcir votre cœur. Voilà le message de l'apôtre Paul dans les versets que nous étudions. En tenant compte de la personne que vous êtes et du fait que vous faites maintenant partie du corps merveilleux du Christ, et en vous appuyant sur les choses que Dieu a faites pour vous, lui qui vous a rapproché de lui, vous ne devez plus marcher comme les croyants marchent. Et si nous continuons notre lecture de l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, au verset 20 et 21, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. En d'autres mots, votre vie n'est plus centrée sur vous-même, elle est centrée sur le Christ. Et si vous comparez votre nouvelle vie avec votre ancienne, vous verrez la différence. Dans une vie entièrement centrée sur soi, l'individu s'abandonne à un péché afin de satisfaire ses besoins. Cependant, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Et quand Paul nous parle d'apprendre Christ, il ne fait pas référence à une connaissance théorique du Seigneur Jésus-Christ, mais à une expérience vécue. Quand le Christ, Jésus, est venu dans votre vie, quand vous avez fait l'expérience du pardon de Dieu, de sa rédemption et de son œuvre expiatoire dans votre vie, quelque chose s'est produit dans votre vie. Et à partir de ce moment, les dérèglements du péché n'ont plus aucune place dans votre vie. Considérons ceci pendant un moment. En vérité, le péché devrait être un élément complètement étranger dans la vie du croyant. Peut-être pensez-vous, « Attendez un instant, voulez-vous vraiment me dire que vous croyez que le péché est étranger à la vie du croyant? » Le péché devrait être un élément étranger dans la vie de tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur. Pour être plus précis, la tolérance du péché devrait l'être. Nous ne devrions plus tolérer la présence du péché dans notre vie. Je ne dis pas que nous ne pécherons plus jamais. Or, quand le péché fait irruption dans votre vie, il doit être immédiatement reconnu et identifié comme un élément étranger et combattu en tant que tel, tout comme le système immunitaire d'un corps en bonne santé s'attaquera à une cellule étrangère. Le péché ne doit plus avoir aucune place dans notre vie, car il ne cadre plus avec elle. Retournons maintenant à notre lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si nous pouvions prendre le temps d'écrire et de prendre des notes sur les enseignements que nous recevons dans nos églises et d'y réfléchir, de les méditer. Si nous pouvions prendre le temps, ou si nous voulions prendre le temps de nous rappeler ce que nous savons vraiment de la parole de Dieu, c'est-à-dire des vérités que nous connaissons sur la Bible, les principes de base de la parole de Dieu, quelle place le péché aurait-il dans notre vie? Que faites-vous des prédications que vous entendez? Peut-être les prenez-vous en note sur un bout de papier ou dans votre calepin et se retrouvent-ils dans un tiroir? Ou préférez-vous en discuter avec quelqu'un d'autre? Si vous êtes prêt à passer du temps dans la communion fraternelle à l'intérieur de l'Église de Dieu, à passer du temps à l'adorer, à écouter une prédication et à la prendre en note, pourquoi ne seriez-vous pas aussi prêt à mettre en pratique ce que vous avez appris, à l'appliquer dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre? Votre vieille vie était centrée sur vous-même. Maintenant, elle est centrée sur Christ. Vous marchiez autrefois dans l'obscurité. Maintenant, vous marchez dans la vérité. De plus, alors qu'autrefois, vous endurcissiez votre cœur dans le péché, maintenant, vous vous êtes dépouillé, si l'on se fie au verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En d'autres mots, il fut un temps où vous étiez endurci dans le péché. Mais maintenant, grâce à Dieu, vous êtes sensible à sa présence. Pourquoi alors permettriez-vous à votre vieille vie, à votre vieille nature, de vous écraser à nouveau, de vous inciter à faire les mêmes vieilles erreurs, les mêmes vieilles choses, à avoir les mêmes vieilles pensées et à agir de la même vieille façon? Vous êtes maintenant une personne différente. Toutes choses sont devenues nouvelles. Passons maintenant à Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Tout ce qui se rapportait à votre ancienne vie était mauvaise, mais vous pouvez maintenant être renouvelé dans l'esprit de votre pensée. Vous marchiez autrefois dans les ténèbres, mais maintenant vous possédez la lumière de la vérité. Vous aviez autrefois un cœur endurci, mais maintenant il est sensible, sensible au péché. Auparavant, les hommes et les femmes s'abandonnaient au péché, mais maintenant, même si l'incroyant marche encore sur son vieux chemin, au lieu de faire comme lui, vous avez la responsabilité de continuer votre marche de sainteté, avec une pensée renouvelée par l'Esprit Saint. Vous avez maintenant la possibilité de vous ancrer profondément et solidement dans la vérité, par le renouvellement de votre pensée et en vous rappelant en tout temps que vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Car en lui, la pensée se rappelle, se renouvelle et se rafraîchit. Et si jamais la tentation se présente dans votre vie, vous avez maintenant le choix. Vous pouvez dire « Oh non, pas encore ça !» et rendre les armes devant elle, ou alors vous pouvez vous rappeler qui vous êtes en Jésus-Christ, une personne habitée par l'Esprit du Dieu vivant, un saint ou une sainte de Dieu. La puissance du Saint-Esprit en vous est capable de résister à cette tentation, peu importe la circonstance. Et, bien entendu, il faut affirmer tout cela dans le Seigneur Jésus. Voilà comment nous pouvons nous rappeler notre nouvelle identité. Voilà comment nous pouvons maintenant puiser dans les ressources dont nous disposons en Dieu. Voilà comment nous pouvons maintenant marcher dans la sainteté. Et nous pouvons comparer notre vieille vie, la futilité de nos anciennes pensées et notre insensibilité au péché avec notre nouvelle vie, le renouvellement de notre pensée et notre sensibilité au péché. Nous devons donc revêtir notre nouvelle nature qui, dans sa ressemblance à Dieu, a été créée dans la justice et la sainteté de la vérité. Au verset 19, l'apôtre Paul dit que nous marchions dans une impureté mêlée de cupidité. Désormais, nous devons marcher dans la sainteté et dans la justice. Et si quelqu'un vous demandait « Êtes-vous saint ?» que répondriez-vous? Certains d'entre nous diraient « Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas si je le suis ou non. » Certains chrétiens se posent parfois des questions sur leur sainteté, car ils ignorent ce que cela signifie. Et alors, ils se présentent dans leur vie une chose qui ne devrait pas être là, et le doute se met de la partie. Écoutez-moi bien. Si Jésus-Christ habite en vous par son Saint-Esprit, vous êtes saint. Selon les Écritures, nous devons marcher dans la sainteté, et nous devons marcher dans la justice. Cela ne veut pas dire que nous pouvons devenir saints et justes par nos propres forces. Cela veut dire que nous sommes habités par le Dieu Saint. J'aimerais vous poser une question. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que si Dieu habite dans quelqu'un, cette personne est rendue sainte par la présence de Dieu en elle? Amen. Il habite en vous. Cela vous rend saint aux yeux de Dieu. Et si vous décidez de vivre selon la chair, vous vivez en contradiction avec votre véritable nature. Vous avez changé votre ancienne vie pour une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle identité, le péché n'a plus sa place. Il ne coïncide pas avec le reste. Il jure avec le décor. Vous ne pouvez plus vous sentir à l'aise dans le péché si vous comprenez que Christ est votre vie. Et non seulement vous ne pouvez plus vous sentir à l'aise, mais vous ne pouvez pas vous forcer non plus à être libre en présence du péché. Car vous savez quelque chose que vous ne pourrez jamais oublier et dont vous ne pourrez jamais vous débarrasser grâce à Dieu. Oui, Christ a remplacé votre ancienne vie. En d'autres mots, l'apôtre Paul tente simplement de nous faire comprendre ceci. Voilà votre ancienne manière de vivre. C'est également la façon dont les païens vivent. Or, à présent, voici votre nouvelle manière de vivre. Vous avez délaissé votre ancienne vie, vous êtes sensible à la présence du péché et vous marchez dans la lumière. Vous êtes maintenant uni avec Christ et vous renouvelez votre pensée. Je vous prie de bien remarquer que je ne vous ai pas encouragé à changer votre manière de vivre en vous appuyant sur vos propres forces. Non. Vous avez désormais Christ en vous. Vous dépendez donc de lui, de sa force à lui. Comme Dieu vous a permis de vivre saintement dans ce monde pécheur, méchant, vil et impie, vous êtes par conséquent libre de choisir. Vous pouvez marcher dans la sainteté ou dans le péché. Et vous effectuez ce choix chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie, peu importe le genre de décision. Nous devons nous débarrasser de cette attitude voulant que nous soyons des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes, en réalité, des saints, recréés dans le Seigneur Jésus pour marcher dans la sainteté devant le Dieu Tout-Puissant. Avez-vous déjà donné le contrôle de votre vie à une chose ou à une autre personne que Jésus-Christ? Si vous avez sombré dans un monde où règne le péché et la désobéissance, permettez aux vérités révélées dans l'émission d'aujourd'hui par Charles Stanley de vous interpeller et de vous motiver pour retourner à une marche de sainteté. Lorsque je pense à mon ancienne vie, je me rends compte à quel point ma vie était contrôlée par la recherche de plaisirs passagers et futiles. Le plus ironique, c'est que je me sentais le plus libre quand j'étais le plus sous la domination du péché. Et lorsque j'observe les gens autour de moi, lorsque j'apprends à les connaître, un constat évident s'impose. Nous sommes tous dominés par quelque chose ou quelqu'un. Car, en vérité, la seule liberté dont dispose l'homme, c'est de choisir son maître, homme ou chose. Et vous, à qui ou à quoi avez-vous abandonné votre vie? Est-ce à quelque chose de socialement réprouvé, comme la drogue, l'alcool ou la cigarette, ou quelque chose de plus accepté, comme l'accumulation de conquêtes amoureuses, en essayant de ne pas reconnaître que, comme Charles Stanley l'a bien souligné, votre cœur s'est progressivement endurci et que vous avez de plus en plus de difficultés à aimer? Ou est-ce quelque chose de socialement approuvé, comme de faire votre premier million avant l'âge de 35 ans, par exemple? Bien sûr, plus rien d'autre n'a d'importance pour vous. Aussi, il est normal de juger les autres sur le seul critère de leur compte en banque. Or, avez-vous pensé que vous pourriez vous retrouver bien seul, à l'heure de votre retraite, vous et votre argent? Combien d'heures passez-vous devant la télévision, sur Internet, ou à perdre votre argent dans les appareils à sous? Consacrez-vous trop de temps à une activité sportive qui, au lieu de vous mettre en forme, vous épuise? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous découvrirez que vous avez abandonné votre vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre et que, sans eux, la vie ne serait plus la même. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, toute autre chose ou personne que Jésus-Christ finira par vous détruire. Si vous n'avez pas encore pris de décision à propos de Jésus-Christ, je vous encourage fortement à le faire. Et si vous avez encore peur, recherchez autour de vous une personne qui marche dans la sainteté selon les principes de la Bible. Cherchez à savoir si, dans le fond, elle ne posséderait pas quelque chose dont vous auriez besoin. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.